J'ai tué mon poste de radio, le son puait qui t'aime les mettre à dos. Skik sans prostituée, elle est hardmasique, ça parle aux ados. Aux anciens les habitués, leur fardeau sport. Même moi ancien, n'oublie pas qui tu es. J'ai pas d'autre moyen d'évacuer le stress. De rap au boycotté, ça reste crade et grave côté. Mon Eldorado, crame, ils veulent désamorcer la bombe. Y'a pas d'eau dans le sky, je repars au charbon. Sans calvo, what Dieu, je demande pardon. Pour mes futurs péchés, on a le don. La malédiction, l'écriture, tâcher le sang. Je viens cracher, tu le sens, les papes subissent. J'ai arraché le mic, réveillé le staff et quelques gouttes suffisent. J'ai marché sur les braises, lâché mes instruments. J'rappe sur les dièses du ciment, j'suis attaché au bloc, simple instrument du seigneur. Mais y'a pas de job sans profit. Un mic, un ingénieur du son, et chante ma putain de philosophie. Ma philosophie, chante ma philosophie. Kiffe les mots qui bugle, en plus si l'amour est aveugle, je te crèverai les yeux pour que tu m'aimes encore plus. C'est mieux que boss, ma philosophie. Chante ma philosophie. Kiffe les mots qui beuglent, en plus si l'amour est aveugle, je te crèverai les yeux pour que tu m'aimes encore plus. Dans cette époque on est de la baisse, faudra te faire une raison. Jamais je m'abaisse, moi sans le sang, les douilles, j'ai fait ma maison. Les diables veulent que je descende de mon train vers l'Éden. Je renais de mes sangs, bien que je craigne avant que les spots s'éteignent. Sur les ondes vomis, écoute ce que je t'enseigne comme promis. Je fais mes plans de guerre avec les rêves, mes soldats endormis. Ça crève les tympans amers, comme quand pète la bombe, c'est la merde. Comme voir ces femmes accouchées à cheval sur des tombes. Et je vous parle la bouche pleine de sales verbes, tristes stars de l'ombre. Criminel en herbe, artiste en garde, c'est Nicole Star. Moi je vois l'âge comme Zeus Knight. Les meufs deviennent des kills et Fahrenheit 9-5. On est qui pour juger, c'est jamais trop tard pour se repentir. Se purger, c'est pas les erreurs qui comptent, c'est ce qu'on en tire. Quiconque a jamais dévié, tire la première balle. Tu connais le CV, pure violence verbale. Ma philosophie, ma philosophie. Chante ma philosophie. Kiffe les mots qui beuglent, en plus si l'amour est aveugle, je te crèverai les yeux pour que tu m'aimes encore plus. C'est mieux que boss, ma philosophie. Chante ma philosophie. Kiffe les mots qui beuglent, en plus si l'amour est aveugle, je te crèverai les yeux pour que tu m'aimes encore plus. N'hésite pas, pas pour les tiens, c'est ma philosophie. Je la prends à quatre pattes, la vie quand d'autres la prennent comme elle vient. Faudra m'abattre pour que stop, mec, au mal je réponds. Par le mal qui joue avec le fire, dans un sommeil de plomb. C'est ma philosophie, ça parle mal, je peaufine pour mes textes à part moi. Qui veux-tu que je pompe, pas trop gratter le faf, mon stylo fuit. Les putes voudraient qu'on freine, peux pas attendre de me faire caler pour qu'enfin on comprenne. Mon carnet, dream imprègne la colère, le bitume, si le savoir tu les. Qui ont des armes dans leur fourniture scolaire et c'est dur, ils le font. Mec, mon label ouvre les vannes. Ghetto star au scalpel, je rate comme on s'ouvre les veines. Les vannes, on saisit et les flammes vous préviennent. J'hésite pas, moi je kick chienne, ça vient de la banlieue parisienne. On t'a menti si on t'a dit que tu pouvais clasher sans crainte. J'ai craché, là je dois partir et sur le micro, j'essuie mes empreintes. Ma philosophie, chante ma philosophie. Kiffe les mots qui beuglent, en plus si l'amour est aveugle, je te crèverai les yeux pour que tu m'aimes encore plus. C'est mieux que boss, ma philosophie. Chante ma philosophie. Kiffe les mots qui beuglent, en plus si l'amour est aveugle, je te crèverai les yeux pour que tu m'aimes encore plus.